Les membres des délégations des partis de divers pays comme le Parti des socialistes de la République de Moldavie et le Parti populaire révolutionnaire de Mongolie ont visité le 19e floralie de Kim Il-sung et l'avenue de Myung.